Chapitre 5e. On était au premier jour de juin. Clodilde partit de grand matin, fraîche et radieuse comme l'aube. Lucan se mettait en marche 2 heures plus tard au petit pas de son cheval. Les routes normandes sont charmantes en cette saison. Les haies d'épines parfument la campagne et jettent çà et là sur les bords du chemin leur neige rosée. Une profusion de jeunes verdures constellées de fleurs sauvages couvre le revers des fossés. Tout cela, sous le gai soleil du matin, est une fête pour les yeux. Monsieur de Lucan n'accordait cependant, contre sa coutume, qu'une attention distraite au spectacle de cette souriante nature. Il se préoccupait, à un degré qui l'étonnait lui-même, de sa prochaine rencontre avec sa belle-fille. Julia avait été pour sa pensée une obsession si forte que sa pensée en avait gardé une empreinte exagérée. Il essayait en vain de lui rendre ses proportions véritables, qui n'étaient après tout que celles d'une enfant, autrefois enfant terrible, aujourd'hui enfant prodigue. Il s'était habitué à lui prêter dans son imagination une importance mystérieuse et une sorte de puissance fatale dont il avait peine à la dépouiller. Il riait et s'irritait de sa faiblesse. Mais il éprouvait une agitation mêlée de curiosité et de vague inquiétude au moment de voir en face ce sphinx dont l'ombre seule avait si longtemps troublé sa vie et qui venait maintenant s'asseoir en personne à son foyer. Une calèche découverte, pavoisée d'ombrelles, parut au haut d'une côte. Lucan vit une tête se pencher et un mouchoir s'agiter hors de la voiture. Il lança aussitôt son cheval au galop. Presque au même instant, la calèche s'arrêta et une jeune femme sauta lestement sur la route. Elle se retourna pour adresser quelques mots à ses compagnons de voyage et s'avança seule au-devant de Lucan. Ne voulant pas se laisser dépasser en procédé, il mit lui-même pied à terre, donna son cheval au domestique qui le suivait et se dirigea avec empressement vers la jeune femme qu'il ne reconnaissait pas, mais qui était évidemment Julia. Elle venait à lui sans hâter le pas, d'une démarche glissante, balançant légèrement sa taille flexible. Tout en approchant, elle repoussa son voile d'un coup de main rapide, et Lucan put retrouver dans ce jeune visage, dans ses grands yeux un peu sombres, dans l'arc pur et allongé des sourcils, quelques traits de l'enfant qu'il avait connu. Quand le regard de Julia rencontra celui de Lucan, son teint pâle se couvrit de pourpre. Il la salua très bas, avec un sourire d'une grâce affectueuse. « Welcome, » dit-il. « Merci, monsieur. » dit Julia d'une voix dont la sonorité grave et mélodieuse frappa Lucan. « Ami, n'est-ce pas ?» Et elle lui tendit ses deux mains avec une résolution charmante. Il l'attira doucement pour l'embrasser. Mais, croyant sentir un peu de résistance dans les bras subitement raidis de la jeune femme, il se borna à lui baiser le poignet au défaut du gant. Puis, affectant de la regarder avec une admiration polie, qui d'ailleurs était sincère, « J'ai vraiment envie de vous demander, » dit-il en riant, « à qui j'ai l'honneur de parler. »« Vous me trouvez grandi, » dit-elle en montrant ses dents éblouissantes. « Étonnamment, » dit Lucan, « très étonnamment. »« Je comprends Pierre à merveille. »« Pauvre Pierre, » dit Julia, « il vous aime bien. »« Ne le faisons pas languir plus longtemps, si vous le voulez. » Ils se dirigèrent vers la calèche devant laquelle M. de Maurras les attendait, et tout en marchant côte à côte. « Quel joli pays !» reprit Julia. « Et la mer, tout près ?»« Tout près. » »« Nous ferons une promenade à cheval après déjeuner, n'est-ce pas ?»« Très volontiers. »« Mais vous devez être horriblement fatiguée, ma chère enfant. »« Pardon, ma chère. »« Au fait, comment voulez-vous que je vous appelle ?»« Appelez-moi madame, j'étais si mauvais enfant. » Et elle eut un accès de ce rire soudain, gracieux, mais un peu équivoque, qui lui était familier. Puis, élevant la voix, « Vous pouvez venir, Pierre. Votre ami est mon ami. » Elle laissa les hommes échanger de cordiales poignées de main, s'élança dans la voiture et reprenant sa place auprès de sa mère. « Ma mère, » dit-elle en l'embrassant, « cela s'est très bien passé, n'est-ce pas, monsieur de Lucan ?»« Très bien, » dit Lucan en riant, « sauf quelques détails. »« Oh, trop difficile, monsieur, » dit Julia, en se drapant dans ses fourrures. L'instant d'après, M. de Lucan galopait à côté de la portière pendant que les trois voyageurs de la calèche se livraient à une de ces causeries expansives qui suivent les crises heureusement dénouées. Clodilde, désormais en possession de tous ses amours, nageait dans le ciel bleu. « Vous êtes trop jolie, ma mère, » lui dit Julia. « Avec une grande fille comme moi, c'est coupable. » Et elle l'embrassait. Lucan, tout en prenant part à l'entretien et en faisant à Julia les honneurs du paysage, essayait de résumer à part lui ses impressions sur la cérémonie qui venait de s'accomplir. En somme, il pensait, comme sa belle-fille, que cela s'était bien passé, quoique la perfection n'y fût pas. La perfection eût été de trouver en Julia une femme toute simple qui se fût jetée bonnement au cou de son beau-père en riant avec lui de son escapade d'enfant gâté. Mais il n'avait jamais attendu de Julia des allures aussi rondes. Elle avait été dans cette circonstance tout ce qu'on pouvait attendre d'un naturel comme le sien. Elle s'était montrée gracieusement amicale. Elle avait, il est vrai, donné à cette première entrevue un certain tour dramatique et solennel. Elle était romanesque, et comme Lucan l'était lui-même passablement, cette bizarrerie ne lui avait pas déplu. Il avait été, au reste, agréablement surpris de la beauté de Madame de Maurras, qui était en effet saisissante. La pureté sévère de ses traits, l'éclat profond de son regard bleu frangé de longs cils noirs, l'exquise harmonie de ses formes, n'étaient pas ses seules ni même ses principales séductions. Elle devait son attrait rare et personnel à une sorte de grâce étrange, mêlée de souplesse et de force, qui enchantait ses moindres mouvements. Elle avait dans ses jeux de physionomie, dans sa démarche, dans ses gestes, l'aisance souveraine d'une femme qui ne sent pas un seul point faible dans sa beauté, et qui se meut, se développe et s'épanouit avec toute la liberté d'un enfant dans son berceau ou d'un fauve dans les bois. Faite comme elle l'était, elle n'avait pas de peine à se mettre. Les plus simples toilettes s'ajustaient sur sa personne avec une précision élégante qui faisait dire à la baronne de Peyre, dans son langage inexact mais expressif, « On l'habillerait avec un gant de Suède. » Dans la même journée et dans les jours qui suivirent, Julia s'assura de nouveaux titres aux bonnes grâces de M. de Lucan en se prenant d'un goût vif pour le château de Vasteville et pour les sites environnants. Le château lui plut par son style romantique. Son jardin à la vieille mode, orné de charmilles et d'ifs taillés, les allées solitaires du parc et ses bois mélancoliques semés de ruines. Elle eut des extases devant les grandes plaines de bruyères fouettées par les vents de l'océan, les arbres aux cimes tordues et convulsives, les hautes falaises de granit creusées par les vagues éternelles. Tout cela, disait-elle en riant, avait beaucoup de caractère, et comme elle en avait beaucoup aussi, elle se sentait dans son élément. Elle avait trouvé sa patrie, elle était heureuse. Sa mère, à qui elle payait en effusion passionnée tout son arriéré de tendresse, l'était encore davantage. La plupart des journées se passaient en cavalcade. Après le dîner, Julia, dans cette humeur joyeuse et un peu fiévreuse qui l'animait, racontait ses voyages en parodiant d'une manière plaisante ses exaltations et la froideur relative de son mari devant les chefs-d'œuvre de l'art antique. Elle illustrait ses souvenirs par des scènes de mimique où elle déployait une adresse de fée, une verve d'artiste et parfois une drôlerie de rapin. En un tour de main, avec une fleur, un chiffon, une feuille de papier, elle se faisait une coiffure napolitaine, romaine, sicilienne. Elle jouait des scènes de ballet ou d'opéra en repoussant la queue de sa robe d'un coup de pied tragique et en accentuant fortement les exclamations banales du lyrisme italien. « Oh, ciel, crudel, perfido, oh Dio, perdona !» Puis, s'agenouillant sur un fauteuil, elle imitait la voix et les gestes d'un prédicateur qu'elle avait entendu à Rome et qui ne paraissait pas l'avoir suffisamment édifié. Dans toutes ses attitudes diverses, elle ne perdait pas un atome de sa grâce et ses poses les plus comiques gardaient de l'élégance. À la suite de ses folies, elle reprenait son air de reine ennuyée. Sous le charme du mouvement et des prestiges de cette brillante nature, M. de Lucan pardonnait volontiers à Julia les caprices et les singularités dont elle était prodigue, surtout à l'égard de son beau-père. Elle se montrait en général avec lui ce qu'elle avait été dès le début, amicale et polie, avec une nuance d'ironie altière. Mais elle avait de fortes inégalités. Lucan surprenait parfois son regard attaché sur lui, avec une expression pénible et comme farouche. Un jour, elle repoussait avec une brusque maussinerie la main qu'il lui offrait pour l'aider à descendre le cheval ou à escalader une barrière. Elle semblait fuir les occasions de se trouver seule avec lui. Et quand elle ne pouvait échapper à quelques moments de tête-à-tête, elle laissait voir tantôt un malaise irrité, tantôt une impertinence railleuse. Lucan pensait qu'elle se reprochait parfois de trop démentir ses anciens sentiments et qu'elle croyait se devoir elle-même de leur donner de temps en temps un gage de fidélité. Il lui savait gré au surplus de réserver pour lui seul ses signes équivoques et de n'en pas troubler sa mère. En somme, il n'attachait à ses symptômes qu'une faible importance. S'il y avait encore dans les dispositions affectueuses de sa belle-fille un peu de lutte et d'effort, c'était de la part de ce caractère hautain un trait excusable, une dernière défense qu'il se flattait de faire bientôt disparaître en redoublant de délicates attentions. 2 semaines environ après l'arrivée de Julia, il eut un bal chez la marquise de Boisfrenay, en son château de Boisfrenay qui est situé à 2 ou 3 lieues de Vasteville. Monsieur et madame de Lucan entretenaient des relations de voisinage avec la marquise. Ils allèrent à ce bal avec Julia et son mari. Les hommes dans le coupé, les 2 femmes à cause de leur toilette, seules dans la calèche. Vers minuit, Clodilde prit son mari à part et lui montrant sa fille qui valsait dans le salon voisin avec un officier de marine. « Chut, mon ami, lui dit-elle, j'ai une migraine affreuse et Pierre s'ennuie à mourir. Mais nous n'avons pas le courage d'emmener Julia de si bonne heure. Voulez-vous être aimable? Vous la ramènerez et nous allons partir, Pierre et moi. Nous vous laisserons à la calèche. Très bien, ma chère, dit Lucan, sauvez-vous. Clodilde et monsieur de Moras s'esquivèrent aussitôt. Un instant plus tard, Julia, fendant dédaigneusement la foule qui s'écartait devant elle comme devant un ange de lumière, souleva son front superbe et fit un signe à Lucan. « Je ne vois plus ma mère, lui dit-elle. Lucan l'informa en 2 mots de la combinaison qui venait d'être arrêtée. Un éclair soudain jaillit des yeux de la jeune femme, ses sourcils se plissèrent. Elle haussa légèrement les épaules sans répondre et rentra dans le bal en se frayant passage avec la même insolence tranquille. Elle s'abandonna de nouveau au bras d'un officier de marine et parut prendre plaisir à tourbillonner dans sa splendeur. Sa toilette de bal donnait en effet à sa beauté un étrange éclat. Son sein et ses épaules, sortant de son corsage avec une sorte d'insouciance chaste, gardaient dans l'animation de la danse la pureté froide illustrée du marbre. Lucan lui proposa de valser avec elle. Elle hésita, mais, ayant consulté sa mémoire, elle découvrit qu'il n'avait pas encore épuisé la liste des officiers de marine qui s'étaient précipités par escadre sur cette riche proie. Au bout 1 heure, elle se lassa d'être admirée et demanda la voiture. Comme elle s'enveloppait de ses draperies dans le vestibule, son beau-père lui offrit ses services. « Non, je vous en prie, » dit-elle avec impatience. « Les hommes ne savent pas, pas du tout. » Puis elle se jeta dans la voiture d'un air ennuyé. Cependant, comme les chevaux se mettaient en marche, « Fumez, monsieur, » reprit-elle avec plus de bonne grâce. Lucan la remercia de la permission sans en profiter, puis tout en faisant ses petits arrangements de voisinage. « Vous étiez bien belle ce soir, ma chère enfant, » lui dit-il. « Monsieur, » dit Julia d'un ton nonchalant mais affirmatif, « je vous défends de me trouver belle, et je vous défends de m'appeler ma chère enfant. »« Soit, » dit Lucan, « eh bien, vous n'êtes pas belle. » « Vous ne m'êtes pas chère et vous n'êtes pas une enfant. »« Pour enfant, non, » dit-elle énergiquement. Elle s'encapuchonna de son voile, croisa les bras sur son sein et s'accommoda dans son coin où des clartés de lune venaient de temps à autre se jouer dans ses blancheurs. « Peut-on dormir ?» demanda-t-elle. « Comment donc, très certainement, voulez-vous que je ferme la glace ?»« S'il vous plaît. Mes fleurs ne vous feront pas mal. Pas du tout. » Après un silence, « Monsieur de Lucan, » reprit Julia, « chère madame, expliquez-moi donc les usages, car il y a des choses que je ne comprends pas très bien. Est-ce qu'il est admis, Est-ce qu'il est convenable qu'on laisse revenir du bal en tête-à-tête, à 2 heures du matin, une femme de mon âge et un monsieur du vôtre ?»« Mais, » dit Lucan, non sans une certaine gravité, « je ne suis pas un monsieur, je suis le mari de votre mère. »« Ah, sans doute, vous êtes le mari de ma mère, » dit-elle en scandant ces mots d'une voix vibrante qui fit craindre à Lucan quelque explosion. Mais, paraissant dominer une violente émotion, elle poursuivit d'un ton presque enjoué. « Oui, vous êtes le mari de ma mère et vous êtes même, suivant moi, un très mauvais mari pour ma mère. »« Suivant vous, » dit tranquillement Lucan, « et pourquoi cela ?»« Parce que vous ne lui convenez pas du tout. Avez-vous consulté votre mère à ce sujet, ma chère dame ?»« Il me semble qu'elle en est meilleur juge que vous. »« Je n'ai pas besoin de la consulter. » »« Il n'y a qu'à vous voir tous les deux. » « Ma mère est une créature angélique, et vous, non. »« Qu'est-ce que je suis donc ?»« Un romanesque, un tourmenté, tout le contraire, enfin. »« Un jour ou l'autre, vous la trahirez. »« Jamais, » dit Lucan avec un peu de sévérité. « En êtes-vous bien sûr, monsieur ?» dit Julia en dirigeant son regard sur lui du fond de son capuchon. « Chère madame, » répondit monsieur de Lucan, « vous me demandiez tout à l'heure de vouloir bien vous apprendre ce qui est convenable et ce qui ne l'est pas. Eh bien, il n'est pas convenable que nous prenions, vous, votre mère, et moi, ma femme, pour texte d'une plaisanterie de ce genre, et par conséquent, il est convenable de nous taire. » Elle se tut, resta immobile et ferma les yeux. Après un moment, Lucan vit une larme se détacher de ses longs cils et glisser sur sa joue. « Mon Dieu, mon enfant !» dit-il, « je vous ai blessé. Je vous fais sincèrement mes excuses. »« Gardez vos excuses, » dit-elle d'une voix sourde en ouvrant brusquement ses grands yeux. « Je ne veux pas plus de vos excuses que de vos leçons. »« Vos leçons, comment en ai-je mérité l'humiliation ? Je ne comprends pas. Quoi de plus innocent que mes paroles ? Et que voulez-vous donc que je vous dise ? Est-ce ma faute si je suis là, seul avec vous ? Si je suis obligé de vous parler ? Si je ne sais que vous dire, comment m'expose-t-on à cela? Pourquoi m'en demander plus que je n'en puis faire? On présume trop de mes forces. C'est assez. C'est 1000 fois trop déjà de la comédie que je joue chaque jour. Dieu sait si j'en suis lasse. » Lucan eut peine à surmonter l'étonnement douloureux qui l'avait saisi. « Julia, vous avez bien voulu me dire que nous étions amis. Je le croyais. Ce n'est donc pas vrai. Non. » Après avoir lancé ce mot avec une sombre énergie, elle s'enveloppa la tête et le visage dans ses voiles et demeura pendant le reste du chemin plongée dans un silence que M. de Lucan ne troubla pas.